Pendant que ton sort repart, Verset 20 à 21. Mais nous, Nous sommes citoyens des cieux. Donc nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a. Par le pouvoir qu'il a, de s'assujettir toutes choses. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Bienvenue à cette table du Seigneur. Un moment d'exhortation que nous croyons être merveilleux et qu'il est indispensable. Quand Dieu convoque ses enfants, les rassemble en son nom, c'est qu'il a quelque chose de délicieux pour nous, qu'il veut partager avec eux. Ce qui est précieux pour nous, de la parole éternelle de Dieu, que ce soit les perturbations qui peuvent avoir parmi nous, de l'électricité, du climat, de la température, quelle que soit, la parole de Dieu poursuit son chemin. Et que Dieu soit loué. Nous aimons que ça avance comme cela. Alors, nous avons commencé à parler hier de l'appel de William Branham, notre précieux frère qui se repose de l'autre côté du rideau du temps. Et nous, nous continuons la marche. Parce que c'est Dieu qui nous accorde cette opportunité, ce grand privilège en son nom et en sa présence. Nous avons parlé de l'appel de William Branham. Et nous avons commencé par l'une de premières expériences spirituelles qu'il a passées. Et entré justement à cet appel, non pas l'appel au salut, non pas l'appel à la foi pour avoir le salut de l'âme pour la vie éternelle. Cet appel, Dieu l'adresse diversement à l'un à l'autre dans les ans. Mais ici, qu'il s'agissait de l'appel de Dieu pour le service divin, pour le travail de Dieu, pour l'œuvre de Dieu lui-même. Et nous avons lu dans la prédication l'histoire de ma vie. Oui, c'est presque là où nous avons essayer de terminer la prédication hier, l'histoire de ma vie de 19 avril 1959, au paragraphe 67 là, oui, je prends juste l'extrait en français. Et à ce moment-là, une voix humaine, tout aussi audible que la mienne, a dit, ne bois jamais, ne fume jamais, et ne souille jamais ton corps d'aucune manière. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras l'usage. Eh bien, cela m'a flanqué une peur bleue. Vous pouvez vous imaginer comment un petit garçon pouvait se sentir. J'ai laissé tomber ce saut et j'ai détalé pour rentrer à la maison en toute vitesse en criant à tue-tête. Miséricorde. Ça, c'est une expérience authentique que le jeune garçon William Branham a eu à passer à l'âge de 14 ans. 14 ans, c'est un adolescent. Il est encore tout petit. Jérémie, quand Dieu l'a appelé, je cite Jérémie parce que hier, dans la prédication, nous avions encore parlé un peu de Jérémie et nous avons lu l'expérience que Dieu lui avait donnée. Jérémie n'avait que 12 ans. Mais quand William Branham vit ce qu'il vit, il avait 14 ans. Donc, un peu 2 ans de plus que le jeune Jérémie d'autrefois. Mais la différence entre les deux, bien que les deux soient des prophètes, selon Dieu, voilà. Mais la différence entre les deux, c'est que Jérémie était appelé et aussitôt devait exécuter ce qui était ordonné. Mais le jeune Branham est appelé par le Seigneur et pour mener d'abord le Naziréat, avec les séparations contre le mal, contre les prières contemporaines, les prières mondaines qui caractérisent les jeunes d'aujourd'hui. Fumer des cigarettes, des boissons alcooliques, et puis les souillures des femmes, la prostitution et de n'importe quoi. Alors, Dieu les met à l'écart. Il les sépare pour les distinguer des jeunes contemporains. Et pourquoi? Pour une œuvre qu'il devait accomplir. Mais quand il sera plus âgé, Jérémie, lui, devait aller immédiatement auprès de tous ceux chez qui Dieu l'enverrait. Mais ici, il y a un appel prévisionnel. Dieu prend le soin de mettre à l'écart son mal, de le préparer, de le sanctifier pendant des années. Pour une œuvre, ce que c'est une œuvre, c'est à vous de comprendre. Ce n'est pas prendre juste comme un travail ordinaire, quelque chose que n'importe qui peut faire quoi. Non, frère, quand Dieu prend tous ces soins-là, c'est qu'il y a une œuvre spéciale, inhabituelle, pour laquelle il fallait des préparatifs exceptionnels. Il l'a mis à l'écart comme ça. Pendant des années de croissance. Et nous avons sondé un peu les écritures pour voir ça et là les promesses de Dieu touchant à l'œuvre de Dieu. Il y a notamment la promesse d'Ésaïe 28, vous l'avez noté hier, ça n'est qu'un petit rappel, où le Seigneur a promis de s'élever pour exécuter son œuvre. Son œuvre inouïe et accomplir son travail, étrange. Et il a dit qu'il devait s'élever comme à Perasim et comme sur la montagne de Gabaon. Or, à Perasim, dans la vallée de Baal Perasim, c'est là-bas que Josué a eu à ordonner au soleil de Sarif. Et à la lune, je n'ai pas bougé. Et la Bible dit que ce fut la première fois que l'Éternel a entendu la voix de l'homme. Et pareillement à ce qui s'est passé là, nous avons assisté pour la première fois de l'histoire du monde à ce qu'un homme né comme vous et moi prononce la parole qui a créé l'esprit. Et Dieu, l'homme parle et Dieu exécute. L'homme dit qu'il y ait des secrets. Et Dieu créateur crée des secrets. Donc, en accord avec la promesse d'Esaïe 28, verset 21, une œuvre a été accomplie dans la vie de William Branham qui confirme que la promesse d'Esaïe, nous sommes ancrés dans l'orbite de son accomplissement. Amen. Êtes-vous là? Non seulement ça, Dieu a dit dans la même promesse qu'il avait annoncé qu'il s'élèverait comme à Gabaon. Or là-bas, qu'est-ce qui s'était passé? David devait aller combattre les Philistins. Mais il est allé consulter Dieu. Et Dieu lui a dit, quand tu entendras le bruit des pas dans les feuilles de mûrier, ce sera un signe que l'Éternel marche devant toi. Va alors face aux ennemis. Il n'est pas ça. David devait attendre le signe dans les feuilles d'un arbre. Et quand Dieu parle à William Branham, ici à l'âge de 14 ans, le bruit qu'il a entendu n'était pas dans l'air libre. Le bruit rouge qu'il entendait, c'était dans les feuilles d'un arbre. Le Dieu de Josué et le Dieu de David dans la Bible, c'est le Dieu de Branham que nous connaissons. Des évidences surnaturelles. Je ne vais pas peut-être dans les détails, parce que c'est le soir de vos conversations. Je ne fais que s'y voler. Vous retirez votre attention que les passages bibliques que l'Esprit nous conduit à lire, ce n'est pas lié au hasard, ce n'est pas lié par plaisir humain, mais c'est pour instruire l'Église. C'est-à-dire, pour qu'elle soit affermie dans la vérité présente. Comme Dieu le veut. Telle est la volonté du Saint. Voyez, dans la promesse, nous avons ça. Je peux relire même pour que vous le voyez plus clairement encore. Ésaïe chapitre 28. Oh mes chers amis, lorsque Dieu se lève, et il doit accomplir des grandes promesses comme cela. Attention, verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim. C'est là où Josué, je crois dans Josué chapitre 10, a vécu ce qu'il avait vécu. Il était inouï. Il ne s'était jamais passé auparavant. Dis la Bible. Et il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. C'est là où David a eu son expérience. Le roi David. Mes chers amis, regardez les signes, comment il s'est reproduit. Dieu ramena le passé, vivifiant sa parole pour notre temps. Pour faire son œuvre étrange. Pour exécuter son travail inouï. Alors, quand vous voyez ce que le Seigneur a dit à ce Branham, à ce jeune garçon, et c'est sur quoi Dieu a veillé, il est dit, il y aura une œuvre à accomplir. Quand tu seras plus âgé, le mot accompli. Une œuvre à accomplir. Que veut dire ce mot? Hein? C'est achever. D'après même le dictionnaire français. Achever entièrement. C'est la première pensée. Mais toujours obéir. Non, accompli. La deuxième pensée, c'est mettre à exécution. Mettre à exécution. Ou réaliser. Ou réaliser. Or, quand on doit réaliser, c'est concrétiser. Et le mot là accompli, il renvoie à une promesse que Dieu a faite auparavant. Parce que Dieu ne peut pas parler d'accompli ce qu'il n'a jamais promis, ce qu'il n'a jamais déclaré auparavant. Mais quand il utilise le mot accompli, c'est qu'il y a une promesse précise ou des promesses claires ou des déclarations préalables antérieures qui attendaient le temps de Dieu pour leur manifestation, pour leur concrétisation. Tu auras une œuvre accomplie. C'est Dieu qui parle aux garçons. Le Saint-Esprit qui est dit la Bible dit que tu auras une œuvre accomplie. il n'appartenait pas à William Branham ni à sa famille. Imaginez quelle pourrait être cette œuvre. Non, le Dieu qui ordonne une œuvre, il la révèle à un vase, un instrument. C'est le Dieu de sa parole qui a tout prévu. Il faut que cela soit clair dans votre entendement. Il n'y a pas de hasard. Écoutez, la foi d'Abraham, elle croit justement que Dieu peut accomplir ce qu'il promet. Nous l'avons lu dans Romains chapitre 4 ici. Au sujet d'Abraham, ça va te maintenir. Il n'est tout à point par incrédulité. Au sujet de quoi? De la promesse de Dieu. Donc Dieu a promis quelque chose. Quand c'était une promesse, c'est que ce n'est pas encore palpable, c'est encore du domaine où on doit attendre que ça devienne réalité. Ok. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et cette foi-là, les convainquait comme ceci. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et alors, dans la même Bible, nous voyons ceci dans Nombres chapitre 23. Comment même Balaam a eu à décrire notre Dieu pour le distinguer avec nous les humains. Il dit dans Nombres chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Amen. Ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Il parle d'abord, il dit quelque chose, et dans la suite des temps, il le fait. Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Exécuté. Voyez, Dieu fait des déclarations d'abord avant que ne vienne le temps de leur exécution. Il est le Dieu qui a dit à Jérémie, dans Jérémie 1 verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc je veille sur ce que je déclare, je veille sur ce que moi Dieu j'ai dit, pour ensuite l'exécuter. L'accomplir, le réaliser, le mettre à exécution, le concrétiser. Même si ça n'existe pas, Dieu le Créateur appellera cela à l'existence. Fera en sorte que ça apparaisse et que ça soit visible, que ce soit évident pour quiconque désirera voir. Ici dans Ézéchiel au chapitre 12, Dieu a encore parlé d'accomplir. Il a dit, Ézéchiel 12, le verset 25, car moi l'Éternel, je parlerai et ce que je dirai s'accomplira. Il parle d'abord, puis vient le temps de l'accomplissement de sa parole, de ce qu'il avait dit auparavant. L'accomplissement. Et ne sera plus différent. Oui, de vos jours, famille de Rabel, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Au verset 28, c'est pourquoi dit-il, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, quand Dieu utilise le verbe accomplir, il le rattache à sa parole préalable, à sa parole déprimée, il parle à l'avance et vous attendez le moment pour que cela se manifeste, se réalise, se concrétise. La même pensée revient à Habakkuk. Si l'Ancien Testament vous le savez, Habakkuk chapitre 2. Versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. La prophétie, c'est une prédiction des événements futurs. C'est une annonce sous forme de paroles des événements qui auront leur accomplissement, leur réalisation, leur concrétisation dans la suite du temps. Mais écris-la. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la. Amen. Car, suivez, elle s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. Il y a la certitude. Et ça va s'exécuter. Ça va se concrétiser. Amen. Ça va se réaliser. C'est Yahweh, Azomisele Ngayeti. Comment est mon éli? Monifa yango, polele na bikomelo. Ete, ye oyo, apotanga yango, apotambango. Gambi, a mon éli, e jali bobele po na tango, e bongi sani. E komi noti e pay na suka, e ko zanga te. E ata, e jali ko umela, lambela yango, Ekoya solo penza, ekoumela mingite. Vous croyez ça? Amen. De tout notre cœur, non? Amen. Croyons que Dieu est fidèle. Alors, dans les sermons, la loi qui possède une ombre. Du 3 décembre 1994. Toute promesse divine de cette Bible va s'accomplir. Toute promesse divine de cette Bible va s'accomplir. Si vous croyez, cela s'accomplira. L'attitude mentale correcte envers toute promesse divine amènera celle-ci à s'accomplir. Remarquez, comment parviendrons-nous au ciel? Si vous êtes seulement un membre de cette église, si, ce soir, j'aimerais vous demander si vous n'êtes pas encore réellement né de nouveau. J'aimerais vous demander comment vous allez partir au ciel, alors que la Bible dit que vous devez être parfait. Et la loi a prouvé qu'il y a une perfection. La loi possédant une ombre ne pouvait jamais mener le croyant à la perfection. Alors comment devenez-vous parfait? Voilà. Toute promesse divine de cette Bible va s'accomplir. Amen. Et si vous avez à son égard okay, vous avez une attitude mentale correcte, vous pouvez, vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir d'amener une telle promesse à son accomplissement dans votre vie personnelle, par votre attitude et par votre foi. Les réalisations sont possibles. Amen. Croyez comme Abraham, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ta parole n'est pas vaine. Elle doit s'accomplir. Croyez-vous? Amen. Vous croyez? Amen. Dans les sermons improcés. Écoutez encore l'exhortation. Du 5 avril 1964, le paragraphe 41, il dit, je crois vraiment, ça c'est Branham pour sa part, je crois, croyez, pour votre part, je crois que Jésus-Christ est ressuscité. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est plus que capable d'accomplir n'importe quelle promesse qu'il a promise d'accomplir. Il peut tenir chaque parole qu'il a prononcée. Et il le fera pour nous ici cet après-midi. Amen. Si seulement nous croyons. Toi aussi. Pour ta part, tu crois. Vous voyez que Jésus-Christ est le Fils. Vous voyez qu'il est ressuscité des morts. Vous voyez qu'il est vivant éternellement. Et toute promesse qu'il a fait dans sa parole, dans sa Bible, il est plus que capable de l'accomplir. Amen. On n'a même pas à douter, à hésiter sur ses capacités d'accomplir ce qu'il dit. Frère Branham lui croit Jésus-Christ est non seulement capable de réaliser, d'accomplir ce qu'il a promis. Le frère Branham croit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est plus que capable. Amen. Amen. D'accomplir chaque promesse qu'il a donnée. Donc, il a non seulement la capacité, mais il a plus que la capacité d'accomplir ce qu'il promet. Donc, quand vous le voyez promettre quelque chose, vous ne pouvez même pas vous permettre de douter un seul instant qu'il pourrait le faire. Il n'aurait pas un empêchement. Il ne serait pas bloqué quelque part. Car une telle option est totalement nulle et inexistante pour notre Seigneur. Croyons comme Frère Branham, notre Seigneur, il est plus que capable d'accomplir chaque promesse qu'il a donnée. Chaque parole qu'il a prononcée, il est plus que capable de l'accomplir. Alors quand toi, il t'a été donné le privilège d'entendre tes seules promesses, mais vous savez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 14. Oh, c'est un encouragement terrible. Luc 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront quoi? Leur accomplissement. Même si ces choses-là, au moment où vous entendez, elles paraissent totalement impossibles. Elles paraissent très lointaines. Bon, il faut compter peut-être des décennies ou des siècles hein, avant d'espérer voir un début de commencement. Ne vous en faites pas. Croyez et attendez. Ce que Dieu dit, et dit pour un temps déjà fini. Si ça semble tarder par rapport à l'idée des temps que tu te fais, parce que ce qu'il a dit s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Est-ce pour ce genre de foi? Amen. Maintenant regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons lu au début ici, dans ce chapitre 4, le verset 34, notre divin modèle, le divin modèle de William Branham lui-même, et toute l'église croyante de ce temps, l'église véritable tient Jésus-Christ comme modèle parfait. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et de faire quoi aussi? Et d'accomplir son œuvre. Lui, notre divin modèle. Le divin modèle de William Branham avait une œuvre à accomplir. Et cette œuvre que lui, Jésus-Christ, devait accomplir n'était pas l'œuvre d'un homme imaginaire. L'œuvre imaginaire de qui pourrait l'inventer. Mais l'œuvre qu'il devait accomplir était l'œuvre de celui qui l'avait envoyé. Celui qui l'avait envoyé était Dieu, notre Père. Et Et à quoi a consisté cette œuvre? Était un ensemble de rêves d'un groupe d'hommes ou une vision familiale ou politique d'un parti politique? Rien du tout. Cette œuvre du Père était une œuvre écrite d'avant, prévue d'avance dans le livre de vérité qui est la parole de notre Dieu. C'est elle qui prévoyait qu'est-ce qui devait se faire. Prenons un exemple frappant pour essayer de comprendre ce que je viens de dire. Dans Jean chapitre 5, au verset 36, le Seigneur Jésus, le même, dit ceci: moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Amen. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Wete misala mipesa kitaka epai na ngai eti nakokisa yango. Misala mijali ngai kosala itatola pona ngai eti tata atindi ngai. Il y avait des œuvres que le Père lui a données. Pour que lui, Jésus-Christ, notre livre modèle, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils d'Abraham, le Fils de David, que lui, Jésus-Christ, puisse accomplir ces œuvres. Et c'est le Père qui lui a donné ce livre. Ça ne venait pas d'une imagination. Ce n'était pas des fables d'hommes. Ce n'était pas des utopies. Mais c'était les œuvres commandées par le Père. Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Selon un plan préétabli. Et le Seigneur pouvait parler de ses œuvres de cette manière qu'il devait lui accomplir. Et que c'était les œuvres du Père. Elle devait être mentionnée dans le livre du Père. Dans le livre de vérité, qui est la sainte Bible de Dieu. Êtes-vous là? Et parlant de même œuvres, le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Sinon, croyez du moins à cause de ces œuvres. Les œuvres était la concrétisation, l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu d'avant. Prenons l'exemple. Ésaïe 35. Voyons. Ésaïe 35. Au sujet de ses œuvres. Verset 4. Verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Na lifuti na nzambe senza, ako yampe, ako biki sabino. Ki debe beni? Nane senge la kiaya? Son cousin? Non. Zali inde kuna ya mobali? Son neveu, monakati? Non. Son demi-frère? Non. Dieu lui-même. Nzambe, yemoko. Et quand il viendra, qu'est-ce qui devait se faire? Ako ya, nine koleka? Il dit ceci, au verset 6, non, verset 5. Nitano. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Amen. Quand Dieu lui-même vient. Amen. Quelles sont les œuvres qui vont s'accomplir? Les yeux des aveugles s'ouvriront. Amen. S'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Quand Dieu lui-même viendra. Amen. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Quand Dieu lui-même viendra. Amen. Et la langue diminuée éclatera de joie. Amen. Quand Dieu lui-même viendra. Amen. Car les eaux jailliront dans le désert. Amen. Et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Quand Dieu lui-même viendra. Bongo mito na bakufa limito makofungolama. Se matoina bimini makojipolama. Bongo motengwi akokumbwa lokola mboloko. Se lolemo na ebubu ekoyemba na esengo. Zambi mai makopunzwa kati na lisobe. Bitima kati na mokili mokauki. Atapola? Bozaliwana? Dieu devait venir et un certain nombre d'œuvres devaient se réaliser. Ça y est là. Quand les gens sont allés demander à Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a délégué deux de ses disciples, est-ce celui qui doit venir? Quelle a été la réponse du Seigneur? Asseyez-vous là. Il a guéri les malades. Il a ouvert les oreilles des sourds. Ouvert les yeux des aveugles. Et puis il a annoncé la bonne nouvelle au peuple. Et il leur dit, en réponse à Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez dit. Dieu fait de vous témoin. Vous allez lui rapporter ce que vous avez dit. Les aveugles voient. Les sourds entendent et la bonne nouvelle est annoncée au pauvre. Était-il celui qui devait venir? Était-il celui qui a accompli les œuvres prévues dans Ésaïe 45? Maintenant il a dit croyez-moi, oui. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Si vous n'arrivez pas à croire, croyez-moi contre ces œuvres. Car les œuvres que vous voyez, c'est ce que Isaïe avait annoncé, que Dieu lui-même tiendra à faire. Moi, je suis un achèvement pour vous. Peut-être que mon visage ne vous plaît pas. Mais attention, monsieur, attention, madame. Regardez seulement les œuvres qui se font. Vous saurez, d'après la Bible, qui était censé faire ces choses. Si vous ne pouvez pas croire que c'est moi ce Dieu-là, voyons-moi que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Amen. Ce Dieu-là est à moi et moi, je suis en lui. Autrement dit, je suis lui. Amen. Amen. Amen. Je suis lui. Il devait ouvrir les yeux des aveugles. Et ouvrir les oreilles des sourds. Je suis celui-là. Mais pour ne pas le dire de manière offensante, il pourrait blesser les plus faibles. Croyez à cause de ces hommes. Je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Amen. Or le Père c'était Dieu. Il a dit en d'autres termes, je suis en Dieu. Et Dieu est à moi. Amen. Mais comment ceci pourrait signifier aujourd'hui? Il est Dieu lui-même. Amen. Ça ne peut vouloir dire que c'est là. Il était Dieu en personne. Amen. Dans le Père et le Père en lui. Il était en Dieu et Dieu était en lui. Les deux étaient valables en même temps. Amen. Donc lui contenait le Père et le Père le contenait. Il contenait le Père. Et le Père le contenait. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Ça, c'est un boîtier de lunettes. Si je prenais mes lunettes ici, je mets dedans. Donc, le boîtier contient les lunettes. N'est-ce pas? Mais est-ce que les lunettes contiennent le boîtier? Non. Ça, c'est ma Bible. Elle est dans une pochette. Donc la pochette contient ma Bible. Mais est-ce que la Bible contient ma pochette? Non, elle est enveloppée par la pochette. Elle est recouverte par la pochette. Mais dans le cas du père et du fils, les deux sont valables en même temps. Amen. Ils sont interchangeables. Amen. L'un peut être considéré comme l'autre et vice versa. Il a dit que moi et le Père nous sommes un. Amen. Je suis dans le Père. Amen. À supposer qu'il est la Bible. Je suis dans le Père. Amen. À supposer que lui, il est la Bible. Et la pochette, c'est le Père. Bon, mais le tata. N'est-ce pas? Maintenant, le Père aussi est à moi. Tata, Père, donc, la pochette se trouve aussi à l'intérieur de la Bible. Bon, mais le Père, vous prenez la Bible, vous prenez la pochette, vous mettez pour ne voir que la Bible. Voilà, pour moi, vous prenez la Bible. Même chose ici. Vous dites ensuite que la pochette ici est dans les lunettes. Et quand vous regardez avec vous, c'est une chose impossible. Comment jamais au monde les lunettes peuvent continuer la pochette? C'est pas le mystère rébellé. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, parce que Dieu l'a réellement fait. Et sa parole qui l'a dit est exactement vrai. Le fils était dans le Père. Et le Père était dans le fils. Amen. Amen. Clair et simple. Amen. Véridique pour toujours. Amen. Gloire au nom de votre Dieu. Gloire à votre Seigneur Dieu. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Croyez à ces jeunes. Moi, j'ai pris l'exemple à partir de la Bible elle-même pour montrer que Jésus-Christ, il a parlé des œuvres que le Père lui avait données. Et on a cité ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, que les boiteux marchent droitement. C'est déjà trois œuvres, non? Donc quand Jésus a dit les œuvres que le Père m'a donné, en mettant ça au prière, c'est vrai. Et vous voyez que le Seigneur a dit que le Père m'a donné, t'as compris. D'un côté, le Père lui a donné l'ordre de se faire faire. En tant que mon envoyé, va le faire. Mais allez, il l'a accompli, c'est non seulement l'ordre du Père, mais il a accompli également une promesse biblique concernant Dieu qui viendrait lui-même. C'est-à-dire, au moment présent où le Père lui parle, il lui dit d'aller ouvrir les yeux des aveugles, d'aller ouvrir les oreilles des sourds, d'aller faire marcher les boiteux. Au moment présent, quand il était sur terre, il a dit voir la vision et entendre la commission du Père pour qu'il aille faire ça. Parce qu'il a dit que le Fils ne fait rien de lui-même, mais le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Pour qu'il fasse marcher les boiteux, il fallait que le Père lui montre en vision. Pour qu'il ouvre les yeux des aveugles, il fallait que le Père lui montre en vision. C'était une commission directe de son vivant. Dieu utilisant le corps de Jésus. Mais pendant qu'il accomplissait ça, il exécutait cette commission. Ça représentait aussi l'accomplissement d'une promesse de Dieu écrite à l'avance dans la Bible. Est-ce que vous essayez de voir? Amen. Donc la chose se trouve à la fois dans la commission du Seigneur Jésus et aussi dans les promesses bibliques antérieures, préalables, qui avaient subsisté avant que l'homme ne devienne sur terre. Amen. Alors il y a là un double accomplissement. Amen. Premier accomplissement, confirmant la promesse. Et qui s'équitant la promesse. Deuxième accomplissement, manifestant l'ordre de mission. Mais tout à la même chose. C'est l'œuvre de Dieu. Dont la parole demeure éternelle. Alors, dans Jean 4, le Seigneur a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Donc l'œuvre, le ministère qu'avait Jésus-Christ. Les œuvres plurielles, ce sont les miracles, les prodiges, les événements épatants, émerveillants, étonnants. Là, ce sont les œuvres plurielles. Mais là où le Seigneur met l'œuvre au Seigneur, il s'agit du service de Dieu. Le ministère du Seigneur. D'accomplir l'œuvre du Père qui l'a envoyé. D'accomplir le ministère du Père. Le ministère de Dieu lui-même. À travers un corps, il a choisi, établi et envoyé. Vous remarquez ça? Dieu avait un travail à faire. Et c'était le travail de Dieu. De Dieu lui-même, mais à travers un homme choisi, un travail prévu à l'avance et qui s'est exécuté bottom. C'est clair pour tout le monde. Et maintenant pour faire Brennan, le Seigneur lui dit, pour la lovelier, tu auras une œuvre à accomplir. Quand il sera plus âgé, lorsque cette œuvre-là devait être accomplie, ça devait représenter également une double réalisation. Un double accomplissement. Premièrement, le Seigneur le lui a révélé à lui. Ce n'était pas à moi. C'est pas ma commission. Mon nom, c'est le monsieur de Bakelula. Lui, il lui a été dit ça. Ne filme pas. Ne bois pas ta mère. Ne suis ton corps. Quand tu auras une œuvre à accomplir. Quand Dieu dit à Branham, tu auras une œuvre à accomplir. Quand il sera plus âgé. N'est-ce pas là déjà une promesse à lui? Promesse c'est dû à William Branham. Et quand le temps viendrait, pour que cette œuvre s'accomplisse, ne serait-ce pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de Branham? Donc il devait accomplir cette œuvre en fonction d'un appel qu'il avait entendu depuis son enfant. En confirmation, en exécution de ce que Dieu avait à nous. À lui. Mais en même temps, ce dont Dieu lui avait parlé là, a des traces, des indications dans l'Écriture. À partir d'abord du moment ou de la manière dont Dieu vient lui parler. Il utilise les signes du bruit dans le feu d'un arbre. Un bruit surnaturel dans les feuilles pénales. Sondez la Bible entière. De la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas eu de témoins qui aient vécu ce genre de signes. Il y a eu un seul cas d'une personne qui avait entendu le bruit de Pâques dans les feuilles pénales. Et son nom c'est David. La manière dont Dieu utilise pour passer son message nous rappelle une situation historique, biblique, une expérience d'un des saints d'autre fois. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là vraiment? Amen. Et c'était David. Et pourquoi Dieu a-t-il choisi seulement d'utiliser le signe du bruit dans le feuille d'un arbre? Pourquoi seulement cette manière? Mais ça doit nous tiquer, non? Nous qui sommes croyants de la Bible en ce temps de la Bible, ça devrait nous interpeller. Alors, je vois ça n'y est plus ici, mais j'allais vous montrer. Dans la prophétie de Charles Price, quelques gens que vous s'en souviennent, il était prévu. Charles Price était un prédicateur pentecôtiste. Lors d'une grande réunion, il avait annoncé quelque chose. On y reviendra peut-être prochainement. Il a parlé du chercheur qui sera qualifié. Et à lui sera donné la connaissance des choses fraîches et nouvelles. Et comme David a été instruit par le ministère des prophètes, de la même manière, il a quitté David en cette prophétie. De la même manière, ce chercheur que Dieu choisira, il lui sera donné accès à des révélations fraîches et nouvelles. C'était une autre prophétie qui est venue avant William Branham. Et la manière dont Dieu parle à Branham nous rappelle l'expérience de David. Et l'expérience de David est consignée sous forme de prophétie dans Ésaïe 28, verset 21. Un extrait parle de Pératie et elle parle de Gabaon. Quand il est parlé de ça, on rappelle à la fois l'expérience de Josué et aussi l'expérience de David. Voilà le lien. Un lien surnaturel entre les prophéties, les prévisions du plan de Dieu. Si un homme s'hasarde à douter de ce qu'il a décidé de croire, il est libre. Il faut se mettre en paix. On ne force personne d'entrer au ciel. Il ne le tient pour que vous affinez dans la paix. Il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à sauter. Dans quel nouveau choisir, où va-t-il passer son éternité? Arrêtez les doutes et l'incrédulité. Soyez fortifiés par la foi. Donnez gloire à Dieu comme Abraham. Et croyez l'œuvre de Dieu en votre temps. Est-ce que tout le monde dit amen? Ce qui nous concerne ici, débarrassons-nous de celui qui démontre et obéissons à la voix du Seigneur. Et la parole de Dieu bénisse votre cœur. Lève-nous pour la prière. Je me presse la rose des siens, nos vingt autres. Chaque jour j'ai gagné sur mon chemin, j'ai pris toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu de prix. Toi-même, lève-moi, Seigneur. Que je m'inquiète, et par la foi sûre, et la sorte des cieux, la preuve, où jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu, mon Dieu, lève-moi, Seigneur. Le Dieu, le même Saint, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, encore une fois, merci pour tous tes bienfaits, pour ta bonne parole, pour la présence de ton Esprit au milieu de nous, qui nous conduit dans toute la vérité. Il édifie notre foi, comparé avec la foi d'Abraham, que tu as établi Père pour plusieurs. Et modèle pour la foi. Développe en chacun de nous une foi comme celle qu'avait Abraham, qui les fortifie. Que la foi de chacun le rende fort. Qu'il soit convaincu que cette foi c'est sa victoire. Dans chaque bataille, tout combat, dans toute épreuve et toute tribulation. Que cette foi fortifie chacun. Et que la même foi nous convainque. Comme elle avait convaincu Abraham. Que ce que Dieu promet, il a tout pouvoir. Plus que capable de l'accomplir. Brise les doutes. Détruis toute incrédulité. Rends notre foi forte, Seigneur. Inébranlable. Très ferme et déterminé. Oh Père, écoute la voix de tes enfants, le cri de nos cœurs. Exauce-nous et change-nous. Pardonne toutes nos faiblesses. Là où elles ont été manifestées d'une manière ou d'une autre. Par des murmures, par des lassitudes, par les découragements. Seigneur, pardonne-nous. Et mets-nous au meilleur plateau. Élève notre niveau, Seigneur, pour quitter les bassins, les futilités, les distractions, et entrer dans les affaires du royaume, dans les affaires du Père Céleste, et manger à plein bosier. Manger comme il se doit, jusqu'à jubiler en esprit. Que le Saint-Esprit bénisse notre marche. Enseigne chacun de nous. Amen. Pour qu'il entende ce message autrement. Et que cela mette en plus chaque jour. Dans sa marche quotidienne. Qu'il progresse de plus en plus. Que tout esprit de rétrogradation soit chassé de ses enfants. et que l'esprit de progrès nous anime. L'avancement en Jésus-Christ. Avec nos yeux aux choses du monde. Avec nos yeux aux souillures des femmes. Avec et détruit toute convoitise. Ces convoitises chroniques et répétitives qui peuvent influencer l'un ou l'autre. Amen. Que ces démons soient chassés au nom de Jésus. Vive tes enfants croyants. Et nous voulons la sainteté totale. Que Nazir y a encore dans la vie de Paul. Qu'il a été ce qu'il a été, c'est ce que ta grâce a fait pour nous. Toi qui as le pouvoir de t'appliquer tout le monde. Oh, tu es le nom de Dieu. Tu n'es pas tiré de la tombe de Branham. Mais tu es vivant dans son état. Pour honorer le croyant. Honorer la foi de ceux qui croyant. Exauce nos prières, Seigneur. Amen. Et soutiens notre marche chaque jour. Amen. Confond notre anniversaire. Amen. Des ennemis satans qui nous combat. Jette la honte sur son sang. Que sa voix soit troublée. Qu'elle soit célébrée. Que les cieux soient crevés. Que ce lance du Seigneur nous éclaire. Nous fasse voir plus clair. Nous fasse voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le même hier aujourd'hui, éternellement, nous prions et nous croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement. Nous arrivons à l'étape finale.